Bon matin, bon dimanche à tous. Ce dernier jour de Radio-Temps, Julie Gagné avec vous pour une édition spéciale de l'aérospatiale. Aujourd'hui à l'émission, je m'entretiens avec Bernard Lamarche. Bonjour. Bonjour. Bernard Lamarche, vous êtes conservateur de l'art actuel au Musée national des beaux-arts du Québec. Ça implique donc que vous vous intéressez à l'art actuel québécois. Si je commençais par vous poser une question peut-être un peu casse-cou pour briser la glace, comment qualifieriez-vous le milieu de l'art visuel, des arts visuels au Québec? Ou à Québec? Un petit sourire. Hein? Dans les deux cas, à Québec, que ce soit au Québec ou à Québec, c'est dans les deux cas, c'est à la fois généreux et effervescent, c'est-à-dire qu'il s'en passe des choses. Et ça, c'est vrai pour le territoire de la province, c'est clair. C'est vrai pour Montréal et c'est vrai pour Québec aussi, ça fait aucun doute. Vous parlez justement de Québec, de Montréal, du territoire, de la province. Vous avez été un peu partout hein, à la base. Là, peut-être on pourrait parler un peu de votre parcours. Vous m'avez dit dans une discussion précédente être arrivé à l'histoire de l'art un peu tard. Ben, tard, oui, mais quand même déjà au cégep, mais à okay. La fin du cégep. Ah ouais, bon. Ouais, j'ai étudié dans une toute autre discipline. En fait, je connaissais absolument rien de l'histoire de l'art. Je savais même pas que ça existait. Et comme plusieurs, j'imagine, je suis allé faire un cours complémentaire au cégep. C'était un cours d'histoire de l'art et je suis resté accroché. Vous êtes resté accroché et là, vous avez décidé de faire votre formation dans ce domaine-là. C'est ça. Donc, bac, maîtrise, puis ensuite, j'en ai fait une carrière. Là, je suis arrivé au Devoir, j'avais 26 ans comme critique d'art. J'étais là 10 ans. J'ai quitté le Devoir en 2005. Oui, c'est ce que j'ai dans mes notes, mais vous le savez certainement plus que moi. Et pour le Musée régional de Rimouski, donc et là, j'ai pu prendre conscience davantage. Je le savais parce que j'avais quand même couvert quelques événements pour le Devoir un peu partout en province, mais à Rimouski, j'ai pu constater qu'il y avait aussi des communautés locales, disons, ouais. qui énergisent un milieu, qui créent un milieu, qui l'énergisent, mais qui rayonnent aussi. Donc, c'est toutes ces questions-là dont j'ai pu prendre conscience davantage. Et puis maintenant, depuis janvier 2012, là, depuis 2 ans et des poussières, ben, je suis au Musée national des beaux-arts du Québec, qui doit forcément prendre toutes ces questions en considération parce que c'est pour ce qui est du mandat de la collection du musée, ben c'est l'art québécois et l'art québécois se fait à la grandeur de la province. Ben oui, c'est ça, c'était le musée du Québec là, il y a pas si longtemps, jusqu'à il y a environ 4-5 ans, quelque chose plus que comme ça. Quand même, là, mais, ah ouais, mon dieu, le temps passe vite, ça file. Quel regard je recommence ma question. Bon, vous avez passé un temps à Montréal, le milieu là-bas, là, on s'entend, ça bouge le plus que ce qu'on peut même imaginer, j'imagine. Ici à Québec, puis de passer à Rimouski, puis à Québec ensuite, quand même, hein, vous voyagez. Est-ce que, voyons, j'en perds ma question. Bon, je recommence. Rendu à Québec, là, comment vous êtes plongé dans le milieu? Là? Parce que c'est pas facile là, d'apprivoiser un nouveau lieu comme ça. Non, ça, c'est sûr. J'avais déjà un bon rapport avec Québec et la scène des arts visuels à Québec. Bon, en 2005, j'avais fait la rétrospective des estampes de Riopelle au Musée national. Bien avant ça, j'ai fait aussi la deuxième édition de la Manif d'art. Oui, sous le thème Bonheur et simulacre. Bonheur et simulacre, effectivement, dans un local qui est devenu aujourd'hui Equipment Mountain Co-op. Ouais. Donc, on avait une surface gigantesque pour travailler. Donc, j'ai toujours eu un bon rapport avec la ville de Québec. Je me souviens même, première ou deuxième année de bac, on avait organisé avec le conseil étudiant une visite du musée et du réseau à Québec. On avait fait les centres d'artistes. À l'époque, c'était Carl Johnson qui était à la Chambre Blanche, sauf erreur. Faudrait pas m'en vouloir si je me trompe. Et qui est devenu ensuite, c'est drôle, mon directeur à Rimouski. Okay. Après, quand je suis arrivé à Rimouski, il était directeur. Et puis, on avait visité à l'époque l'exposition de Pierre Grange qui s'intitulait Zone, qui était fantastique au musée. Et puis donc, j'ai un bon rapport avec la ville de Québec. Donc, quand je suis arrivé ici, je me suis senti à peu près immédiatement à l'aise. Faut dire que j'ai été bien, je pense, accueilli par la communauté des arts visuels oui, à Québec. Parce que votre nomination est apparue quand même comme une bonne nouvelle. Là, apparemment, donc. et puis, je me souviens, en fait, ça, je peux en témoigner parce que je pense que ça a été annoncé, je sais pas, un mardi ou un mercredi. Puis le jeudi soir, le vendredi soir, il y avait une série de vernissages dans Méduse. Et puis, je suis allé. Et puis, bon, l'accueil était bon. Donc, ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, ce que je peux dire, il y a plein de choses à dire de la scène ici, mais ce qui est fascinant, c'est que, disons, on va le dire comme ça, per capita, là, c'est-à-dire par rapport à la taille de la ville, le milieu des arts visuels ici est vraiment phénoménal. Il s'en passe des choses et on sent toujours une énergie assez particulière. Et qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, selon vous? Est-ce que, parce qu'il y a quand même beaucoup de centres d'artistes à Québec, il y a Méduse, il y a la Chambre Blanche, il y a le lieu, il y a Regard aussi sur la Rive-Sud. Pensez-vous que ce soit le fait que tous ces centres-là soient vraiment comme regroupés, que le milieu, malgré que ce soit effervescent, est assez petit, mais donc les gens se connaissent, puissent mieux s'organiser? Je pense que ça a beaucoup à voir avec le fait que chacun des centres, et on inclut Méduse comme entité, mais aussi chacun des centres qui sont, ouais. C'est-à-dire l'Œil de Poisson, Engramme, Vue, Avatar, la bande vidéo, etc., j'en oublie sûrement. Et chacun de ces centres-là a une identité très, très claire. Et cette identité-là, ils ont tendance à la porter haut et fort. Et ça, je dirais pas que c'est particulier à la ville de Québec, mais ça donne sa couleur au milieu, ça donne sa couleur à chacun de ces centres-là forcément, et ça fait en sorte que les activités de chacun de ces centres-là est vraiment terriblement valorisée. Et je pense que l'énergie que je vois, là ça fait à peine, ça fait 3 ans bientôt là que j'y suis, donc on peut dire que j'en fais un peu partie maintenant, mais l'énergie, je la constate toujours autant. Ben c'est ça, vous dites ça va bientôt faire 3 ans, c'est-à-dire que même si vous aviez des bons rapports avec Québec, vous restez encore dans le regard, j'imagine, de l'observateur. Là, vous êtes tranquillement en train de prendre vos aises. Ben, ceci dit, de par le travail que j'ai failli dire de par ma job, c'est aussi le rapport que j'ai avec les arts visuels. C'est-à-dire que c'est un rapport qui forcément inclut qu'on est un observateur. Ouais. On en fait partie, mais on regarde constamment le plus possible tout ce qui se fait. On essaye de pas en rater. C'est à peu près impossible, ne serait-ce que... Bon, d'abord, on parlait de territoire tantôt. C'est pas vrai que je vais voir tant que ça des expositions en Abitibi-Témiscamingue, mais je regarde ce qui se passe là. On lit les revues, on reçoit des cartons d'invitation, etc., etc. Puis, bon, à Québec ou à Montréal, mais on essaye d'en rater le moins possible parce que, bon, c'est à proximité, mais je vais aussi quand même aller voir encore des expositions à Rimouski, à Rivière-du-Loup, au Saguenay, il y a énormément de choses qui se font aussi. Donc, oui, c'est très dynamique, hein, au Saguenay. Là, Saguenay dynamique. Avec le lac Saint-Jean, Alma et tout ça, là, voilà. Ça bouge. Oui, Chicoutimi. Donc, ça bouge beaucoup. Et donc, de par mon travail, en fait, c'est un peu ça mon travail. C'est un travail de reconnaissance. C'est-à-dire, c'est un travail d'abord de terrain. C'est-à-dire, en voir le plus possible pour ensuite peut-être départager, me faire une tête, classer un peu les choses parce qu'il s'en passe des affaires pour ensuite nourrir mes activités, les activités au musée, réfléchir à la collection. Ça veut dire aussi suivre des carrières spécifiques plus que des centres. On suit les artistes plus que les institutions, là, nécessairement. Oui, mais on regarde aussi quand même comment les institutions se transforment et aussi quelle contribution chacune de ces institutions-là peut faire à une communauté aussi large soit-elle, hein, parce que chacun des centres d'artistes de Québec a une résonance nationale et internationale, là, c'est-à-dire qu'ils font circuler beaucoup d'artistes de Québec, ils en font venir beaucoup ici, et parfois des statures importantes. Oui, des endroits comme le lieu ou encore la Chambre Blanche, là, ce sont vraiment comme les deux centres qui font venir le plus d'artistes et qui en font voyager aussi le plus. Oui, tout à fait. Le lieu, faut pas l'oublier, hein, pour ce qui est de la performance, c'est une institution gigantesque. Hein, ça a beau être un espace relativement restreint, on s'entend là, c'est pas la taille d'un musée, mais c'est une institution nationale, le lieu, pour ce qui est de la performance, avec tout ce qu'ils font, tous les artistes qui font venir des gens comme Esther Ferrer, c'est de classe mondiale, là. Les festivals qu'ils organisent, etc., etc. Et ben c'est oui, aussi, la rencontre internationale, voilà. Leur performance, là, j'imagine que ça a beaucoup contribué à positionner. Ouais. Le Québec même, là, sur l'échelle internationale. De ce côté-là, le lieu est majeur et c'est aussi un centre d'archives extraordinaire pour tout ce qui est performance à Québec et au Québec et forcément dans le monde, étant donné le rayonnement qu'ils ont international. Donc, ça, c'est vraiment un petit bijou. Il faut dire aussi que Richard Martel, le directeur du lieu, a lui-même un rayonnement et s'inscrit aussi comme un des théoriciens actuels de la performance. Oui, c'est ça. Puis autour du lieu, il y a tout un bassin de gens qui réfléchissent à la performance, qui contribuent à la performance, qui en font, qui viennent enrichir cet aspect-là des choses, cette pratique-là. Et on parle de rayonnement international à Québec depuis, justement, vous avez été commissaire de la deuxième Manif d'art. Ça, c'en est un événement d'envergure qui contribue à faire venir des artistes, à faire rayonner également le Québec. Là, la 7e édition, là, va commencer en mai. Oui, en mai. Je me pose la question, mais non, c'est un fait. C'est en mai, oui, c'est ça. La conférence de presse, c'est la semaine prochaine où ils vont dévoiler la programmation. De la 7e édition. On a hâte, on a vraiment hâte. Oui, non, effectivement, parce que à chaque fois que la manif s'en vient, il y a une effervescence encore plus grande. Là. C'est-à-dire qu'on a hâte de découvrir les artistes, ils en font venir un peu partout dans le monde, qui vont mêler avec la scène locale, ils vont présenter des travaux d'artistes de Québec à travers un événement qui, lui, est de nature internationale. Donc là aussi, ça crée des réseaux, ça met en contexte la production d'ici avec celle qui se fait ailleurs, etc. Et donc ça, c'est majeur. Il faut la manif. Bon, faut savoir que je suis un peu impliqué de ce côté-là. Oui, vous êtes vice-président du conseil d'administration, mais la manif, je peux en parler aussi comme ex-commissaire, là, ancien commissaire de l'événement, est aussi un événement qui essaye de tisser le plus de liens possible avec la communauté, justement, et chacune des petites institutions qui la forment. Ouais. Donc, c'est un pont aussi. Et cette dimension événementielle-là, les musées ont beau faire leur travail, les centres d'artistes font leur travail aussi, mais la dimension événementielle, c'est-à-dire créer quelque chose qui est de l'ordre du festival pour les arts visuels. Mais mobiliser un milieu aussi. Voilà. Tout à fait, c'est à ça que ça sert. Et puis la manif le fait, je me souviens, la première et la deuxième édition, j'ai pas vérifié pour les subséquentes, mais il y avait des artistes qui l'amenaient même, étaient à la Biennale de Venise. Ah ouais, quand même. Donc, ils étaient à Québec en même temps. Donc, c'est pas rien, là. Ça fait vraiment circuler des grosses pointures, comme on dirait. Puis au-delà de ça aussi, en termes de médiation au niveau des arts visuels, la manif, ça reste quand même d'une grande importance parce que justement, le caractère événementiel fait que la population... Il va, je sais pas, il y a combien de milliers de personnes qui visitent la manif à chaque édition, les centres d'artistes, mais c'est tellement gros, c'est tellement grand que nécessairement ça résonne aussi là dans la population. C'est ça parce que là il y a un espace médiatique qui se crée, c'est-à-dire que par un effet de densification, de condensation et de rencontres qui vient finir par créer un nœud critique, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus important en termes de volume d'art, d'idées, ben ça crée des espaces médiatiques. Et ça, c'est peut-être un des fers de lance, c'est-à-dire que on n'en a jamais assez. Des espaces médiatiques, voilà. Ouais. Mais ça, c'est une question en soi. Oui, c'est ça. Ben justement, j'avais envie d'en parler parce qu'on parlait de rayonnement, on parlait de diffusion. Du point de vue de la diffusion médiatique pour les arts visuels, à part quelques revues, c'est assez, à part Le Devoir, par exemple, où, bon, il y a encore des critiques, c'est quand même assez mince malgré tout. Comment dire? Il y a quand même beaucoup de choses qui se fait. Effectivement, je pense que le milieu se plaint relativement souvent à l'idée qu'il n'y a plus de critiques comme il y en avait déjà, mais les gens qui faisaient la critique à l'époque disaient déjà la même chose de la génération suivante. Donc ça, faut voir, c'est souvent un effet d'actualité. Ceci dit, bon, le commentaire critique, il s'est jamais fait non plus ici comme il se fait ailleurs. Moi, j'ai lu des critiques en France, dans le monde, entre autres. C'est assez assassin, là, quand c'est... Et ça, à la limite, non plus, on n'en voudrait pas. Donc, faut voir ça. C'est une question en soi, ça, c'est clair. On en voudrait plus. On voudrait que toutes les expos soient couvertes, ne serait-ce que pour garder une trace, ne serait-ce que pour aussi mettre tout ça en contexte, prendre un peu de recul. Ben ouais. Documenter aussi. Faire de l'histoire de l'art en direct. Donc, c'est sûr. Donc, ça, il n'y en aura jamais assez. Donc, on invite tous les auteurs, tous les jeunes historiens de l'art qui sont en formation, entre autres à l'Université Laval ici, à proposer des articles. Bon, j'ai longtemps travaillé pour la revue S aussi sur le comité de rédactionnel. Puis à chaque fois que j'avais la chance d'en parler devant des jeunes où je faisais des conférences sur la critique d'art, je rappelais toujours l'importance de se commettre, ce qui n'est pas évident, ce qui n'est pas facile, mais effectivement, on en a besoin. Et si on élargit la diffusion plus largement dans une discussion qu'on a eue dans le passé, vous me disiez, bon, parce que là, lundi dernier, je crois, il y avait le lancement de la monographie d'Alain Martin-Richard. Donc, une monographie quand même importante. Ça, je pense qu'il y a plus de 400 pages. C'est en anglais, en français. Il y a des textes de lui, de plusieurs auteurs. Et là, vous me disiez, il n'y en a pas, ça, au Québec. Hein, des, il n'y en a pas beaucoup. Rares sont les artistes actuels ou contemporains qui ont une monographie ou des publications d'envergure. Sur le lot, effectivement, si on regarde ça strictement du point de vue de la statistique, il n'y en a pas assez. Ceci dit, il n'y en a jamais eu autant que maintenant. Ah ouais, donc... Donc, il y a ça. Donc, le travail se fait. Mais ce que je déplore, puis faut voir aussi le rôle des musées là-dedans, on travaille... On essaie de travailler dans ce sens-là, mais bon, c'est des sommes assez importantes, là, ces publications-là. C'est que de faire la synthèse de carrière, parce qu'Alain Martin-Richard, pareil, c'est plus de 30 ans de sauf erreur. J'espère, oui, oui. J'espère en tout cas, il parle d'une trentaine d'années. Bon, donc, d'accord. J'espère que je suis pas en train de le vieillir, là, mais c'est plus de 30 ans de carrière en performance, en manœuvre. C'est une réflexion aussi pratique, théorique. Et donc, la publication fait le tour de tout ça. Et donc, ce genre de somme, de synthèse de carrière-là, sur plus de 400 pages, effectivement, ça, il n'y en a pas des masses. Il y a des artistes majeurs. On pense à qui, oui? Ben, tu sais, Raymond D'April. Qui a contribué à redéfinir la photographie au Québec. Il a plusieurs publications, mais pas la grosse somme où on se dit, ben voici, là, c'est la synthèse de tout ce qui s'est fait qui nous permet de remettre ça en perspective. Je sais pas, moi, des François Morelli, bientôt, ça sera ici à Québec, Diane Landry, Jocelyn Robert, des gens comme Jocelyn Gasse aussi, à la limite, parce que on vient d'avoir sa rétrospective à la maison Amel Bruno il y a pas si longtemps. Oui, avec un petit catalogue, là, avec le texte signé Danny Quine. Qui va dans le sens d'une trace, ça c'est clair, ça garde une trace de la chose, et on en parlait il y a deux secondes, c'est important, mais à un moment donné, il y a des choses qui durent dans le temps, et il y a un besoin de mettre ça en perspective, et effectivement les musées ont un travail à faire de ce côté-là, sauf qu'encore là les moyens sont limités. Ben oui, c'est ça, puis du point de vue des éditeurs d'art aussi, là, les moyens, faut avoir le financement, faut trouver aussi, donc tout organiser la chose, là, c'est quand même assez complexe. Moi, j'invite peut-être les étudiants d'histoire de l'art qui se destinent à un sujet de maîtrise à s'intéresser aux artistes actuels québécois. Parce que là, il y a toute une niche. Il y a de quoi faire, ça, c'est sûr. Ce qu'il y a à couvrir est très vaste. Et même du point de vue de l'histoire, ce qui n'a pas été fait est beaucoup plus considérable que ce qui a été fait. Donc, ça, c'est clair. Il y aura toujours des possibilités de ce côté-là. Avant d'aller en pause, Bernard Lamarre, j'ai envie de vous poser une question. Bon, on l'a dit en début d'émission, vous êtes conservateur de l'heure actuelle. Quel mandat vous donnez-vous au musée par rapport à l'heure actuelle au Québec? Qu'est-ce que vous cherchez à mettre de l'avant ou les types d'expositions que vous désirez monter ou autres? Le Musée national des beaux-arts du Québec a depuis quelques années une prédilection pour les grandes expositions de groupe en art actuel. Bon, art actuel chez nous, c'est de 2000 à aujourd'hui. Oui. Des grandes expositions comme... Les matins infidèles. Les matins infidèles, ouais, non, c'est ça. J'ai pensé à celle-là en première parce qu'elle est en ce moment au musée. Ben c'est oui, moi qui l'ai fait. Vôtre. Donc, je me dis, bon, j'ai presque hésité à le dire. Là. Mais donc, les matins infidèles, par exemple. Donc, j'ai voulu, moi, me positionner là-dedans. Et la première exposition que je voulais faire au musée en arrivant, c'était une exposition de groupe, mais j'y tenais pour cet esprit de communauté-là, justement. Mais sinon, dans jadis, il y a eu Avancer dans le brouillard, il y a eu Le ludique, etc., etc. Donc, l'idée, c'est un peu aussi de mettre les choses au clair, c'est-à-dire de donner l'impression qui est réelle, qui existe, qu'il y a un ordre, qu'il y a quelque chose. C'est pas n'importe quoi. Donc, créer des nœuds pour que les gens s'y retrouvent. Sinon, à l'occasion, on vient faire des expositions monographiques qui viennent souligner certains aspects, un cycle de création, par exemple, pour un artiste donné, ou sinon, on va faire avec la proposition de commissaire invité, qui parfois nous propose des choses qu'on considère pertinentes pour la programmation. Ceci dit, c'est notre directrice des expositions qui décide. Oui, c'est ça, effectivement. Bernard, tu me disais que ça te tentait de parler des lieux, des centres d'artistes, des institutions à Québec. Peut-être j'ai envie de commencer rapidement par les galeries. Les galeries commerciales, il y en a deux à Québec, hein? Michel Guimond, Lacerte, Art contemporain. Est-ce que c'est beaucoup ou c'est peu? Bien, c'est à la fois beaucoup et peu, c'est-à-dire que il y a quelques années, je pense, ça aurait pas été possible d'avoir deux galeries commerciales dédiées à l'art contemporain ou parfois l'art moderne aussi, parce qu'ils ont des artistes qui proviennent de notre histoire récente, disons. Et donc la beauté de la chose, c'est que Québec est capable d'en supporter deux. Ce qui n'aurait pas été le cas il y a, je sais pas, 10 ans, par exemple. Il y en a d'autres qui se sont essayés, ça a moins marché. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que le marché de l'art contemporain fonctionne un peu mieux qu'il a déjà fonctionné. On le sait, mais là, c'en est un constat, ça. Puis bon, je sais que Michel Guimond, par exemple, a participé cette année à la Foire de Québec, hein, qui était une première. Ça s'est déroulé à l'Œil de Poisson. Ça, c'est intéressant aussi de voir que l'Œil de Poisson participe à une activité peut-être davantage commercial, entre guillemets, c'est-à-dire qui est lié au marché, on s'entend. Ceci dit, absolument, c'est pas un jugement de valeur pour moi de dire que, ben, il y a des gens qui sont là pour vendre de l'art contemporain parce que, ben, il y a des gens qui sont là pour l'en acquérir. Ben oui, puis il faut bien que les artistes en vivent aussi. Ben, tout à fait. Donc ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Des fois, on a l'impression que c'est tabou, mais quand même... Oh non, c'est ça. Pour moi, c'est une vieille question qui revient toujours un peu, mais faut pas trop s'en faire. En tout cas, moi, je m'en fais pas du tout parce que c'est vital. Pour tout le monde, d'une part, mais que l'Œil de Poisson s'associe à une entreprise comme celle-là, la Foire de Québec, qui est une première, qui a bien fonctionné, qui était sympathique, qui était bien organisée pour une première, ça, c'est fantastique. Et là, c'est la preuve aussi qu'il y a un réseautage et que on peut facilement passer par-dessus des espèces de contraintes qu'on s'impose soi-même, là, de toute façon, et qui sont de l'ordre de l'idéologie, souvent. Mais ça, c'est une question aussi, une question en soi. Sinon, ben effectivement, il y a donc Michel Guimond, la Galerie Lacerte aussi, qui font du très bon travail. Mais ensuite, il y a tout le réseau des centres d'artistes. Mais oui, parce que Québec, c'est vraiment une ville de centres d'artistes. Absolument, là. Absolument. Donc, que ce soit Engram qui est associé à l'art imprimé, l'Œil de Poisson qui touche à l'art contemporain sous plusieurs formes, la bande vidéo, ça le dit, Vue qui est associé à la photographie sous toutes ses formes. Et là, il y a la beauté de la chose, c'est qu'on voit une exposition comme en ce moment Serge Clément, qui est quand même un artiste qui est associé à la galerie Simon Blais à Montréal. Donc, il y a une carrière, on parle de, ça doit approcher 40 ans, là, et qui, à vue, s'est permis de remettre en cause tous ses acquis aussi. Donc, de faire quelque chose qui a à peu près, qui a très peu de choses à voir avec son travail personnellement, donc, mais qui lui permet de justement de replonger peut-être dans une démarche plus exploratoire. Et c'est ça que ça permet les centres d'artistes aussi de faire. Le lieu, on en a parlé tantôt, pour ce qui est de la performance, mais aussi d'exposition liée à l'installation, donc à l'occupation de l'espace, font de l'excellent travail, pardon. Mais ceci dit, il y a aussi la galerie Morgan Bridge, qui est associé à un art plus proche du graffiti, peut-être. De l'univers de la rue, et c'est ça qui font institutionnalisé, là, entre guillemets. C'est ça, et qui lui donne une vitrine, et ça, c'est intéressant, puis ils le font plutôt bien. Et sinon, ben, faut pas oublier, forcément, j'espère n'en avoir pas oublié, mais la Galerie des arts visuels. Ben oui. De l'Université Laval qui est forcément un entre-deux entre les centres d'artistes, les galeries commerciales, parce que là, il y a un espace avec, disons, qui donne plus de possibilités de par sa taille. C'est un magnifique espace. Là. C'est un très bel espace. Ouais. Mais il y a aussi d'autres lieux. Moi, je suis fasciné par ce que fait la Maison Amel Bruno, par exemple. Ouais. On en a glissé un mot tantôt avec la rétrospective de Jocelyn Gass, d'une part, mais aussi il y a eu Marc Séguin, Betty Goodwin. Et là, Marc Séguin, c'est en collaboration avec le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Donc, on sent cette préoccupation-là de réseautage. Et c'est intéressant aussi pour la Maison Amel Bruno parce que c'est vraiment le grand public qu'on va rejoindre avec la Maison Amel Bruno. Donc, souvent, pour des gens, c'est une initiation aussi là, à l'art contemporain. Voilà. Et puis, bon, forcément, il y a aussi la Chambre Blanche, faut pas l'oublier, qui est un lieu qui fait partie de... d'être comme ça qu'ils invitent des artistes à travailler, faire de la recherche. Et c'est parfois lié à une exposition, parfois pas. Donc, c'est vraiment un lieu qui permet de relancer certaines idées et de faire venir des artistes d'un peu partout pour les plonger dans un milieu, pour les plonger dans une communauté et pour leur donner des moyens justement de peut-être s'inspirer de ce milieu-là, entre aller chercher des nouvelles idées. Donc, il y a tout un brassage d'idées à travers ce réseau-là là, de lieux qui sont associés à des résidences et la Chambre Blanche en fait partie. Donc, vraiment, c'est une écologie qui est assez diversifiée, qui touche à toutes sortes à des fonctions particulières. Ben, on sait aussi que l'Œil de Poisson a un atelier de fabrication de bois, entre autres, etc. En Engram récemment a présenté une œuvre de Diane Landry, une performance sur deux soirs. Oui, à la, pas la dernière édition du Mois Multi, mais celle donc de 2013. Effectivement, qui a été repris ensuite à Cincinnati. Donc, c'est des manières aussi, c'est des manières de donner aux artistes des lieux, des possibilités pour explorer, pour tester des nouvelles idées aussi dans un espace, hein, parce que c'est ce que c'est. Le travail d'atelier, c'est un travail, bon, le plus souvent en solitaire, mais qui est forcément branché sur tout ce qui se fait. Les artistes sont au courant de ce qui se fait, donc ils s'en nourrissent aussi. Ça leur permet de se positionner. Mais des lieux, comme on vient de le dire, en Gramme, qui permet à Diane Landry de faire une performance sur deux soirs, je pense que ça durait trois heures ou deux ou trois heures, qui était phénoménale et d'ailleurs qui a été soulignée par le Conseil des arts et des lettres du Québec comme l'œuvre de l'année à Québec pour l'année 2013. Et j'aurais tendance à ajouter avec raison, c'était phénoménal. Et je sais que ça a très, très bien fonctionné au centre-ville de Cincinnati aussi. Donc, ça, c'est fantastique. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Puis, bon, ben, là-dedans, il y a le Musée national des beaux-arts du Québec qui se positionne en essayant aussi de contribuer à ne serait-ce que par une portion de sa programmation. Il y a toujours la salle 1 chez nous qui est plus ou moins dédiée à l'art qui se fait maintenant. Et puis, de temps à autre, par des expositions d'un peu plus grande envergure qui permettent d'intégrer des productions, en tout cas, c'est comme ça que je le pense, d'intégrer des productions qui se font ici à un réseau plus vaste. On parlait des Matins infidèles tantôt, d'exposition reparlons-en, justement. Ben, on peut, mais je tenais à... J'ai tenu à aller chercher, intégrer un artiste comme Jocelyn Robert, par exemple, qui est dedans, qui est directeur du programme d'art plastique au second cycle, d'art, je pense. D'art visuel, de l'Université Laval, et qui est un artiste de médiatique important qui circule, notamment beaucoup de pratiques en art audio et qui dans l'exposition, ça nous a permis de présenter sa production, une de ses dernières pièces qui est faite autour de l'Empire State Building à New York et dans une exposition où on a des artistes d'un peu partout du Canada. On s'est limité à ça pour cette exposition-là, pour toutes sortes de raisons, notamment parce que c'est une exposition avec un sujet, c'est-à-dire de l'art à système, donc des artistes qui s'inventent des systèmes préalable à la création d'objets d'art ou d'art et qui, en appliquant ce système-là, ben justement, finissent par créer une œuvre. C'est plus ou moins une démonstration que je voulais faire autour d'une manière d'envisager le processus artistique. Bref, ça, c'est là jusqu'en septembre, donc vous avez le temps d'aller voir. Vous avez le temps, oui et non, là, c'est toujours ça le problème, c'est qu'on se dit toujours... Oui, c'est qu'on prend le temps, puis finalement, on se rend compte à la dernière minute. Donc, on y va, là, après le Radioton, là, le musée prend une pause le lundi et dès mardi, on se dirige. Vous précipitez tous au musée, ça, c'est clair. Donc, et tout ça, c'est fascinant parce que, tous ces lieux-là, et, on est en train d'oublier Regard à Lévis. Ben oui, hein, on fait ça, hein, on l'oublie, c'est ça. Il faut traverser le fleuve. Ouais, c'est ça. Et pourtant, Regard nous offre souvent une programmation très intéressante. Oui, absolument. La dernière exposition que j'ai vue là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a en ce moment, mais. En ce moment, c'est en pause en attendant la manif d'art. C'était Dan Brault avec François Simard. C'est une exposition où on voyait deux peintres de Québec vraiment se lancer dans des projets qui permettaient de définir davantage ce qu'ils font, c'est-à-dire, et donc c'était dans les deux cas, c'était un pas important dans ce qu'ils font. Ben, quiconque suit ces deux carrières-là, ben, se disait, ben, là, ils sont rendus à un autre niveau. Et donc, et ces lieux-là servent à ce genre de positionnement puis de contribuent au développement des carrières de nos artistes. Et ça, c'est primordial. Et en ce sens-là, le musée se positionne un peu quelque part en bout de ligne, comme un peu la consécration, mais c'est plus que ça. C'est plus un objectif en soi, je pense, de se retrouver au musée, mais le musée, par contre, peut contribuer à la vie de cette communauté-là. On a parlé, Bernard Lamarche, tout à l'heure. On vient tout juste de parler de Jocelyn Robert. On a parlé de Diane Landry. Donc, ce sont deux artistes québécois vraiment d'envergure qui ont une forte reconnaissance à l'international. Pensez-vous que cette reconnaissance-là, il y a plusieurs autres artistes québécois aussi qui en ont une. On semble moins en être au courant au Québec, comme si on était peut-être moins informé, à part un certain milieu, comme le milieu des arts visuels ou le milieu des gens donc qui s'y intéressent. Mais sinon, en dehors de ça, les gens ont pas l'air tellement au courant. Pensez-vous que c'est comme... Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, je vais élargir demain. Effectivement, tantôt on mentionnait aussi la portion que les médias ont Je veux surtout pas casser du sucre sur le dos des médias. C'est trop facile de le faire. Puis l'idée est pas de faire ça. Surtout pas ici aujourd'hui. Mais c'est clair que la réussite des artistes à l'extérieur, ben, tu sais, que Diane Landry a une exposition à Cincinnati, que Jocelyn Robert circule un peu partout dans le monde, que d'autres artistes comme BGL. Bon, BGL, ça fait un coup récemment parce qu'ils vont se retrouver à la Biennale de Venise donc l'année prochaine, et ça, c'est majeur. C'est un des grands événements de l'art contemporain dans le monde. Donc ça, c'est fantastique. Et ça, c'est soutenu par le Musée des Beaux-Arts du Canada qui, avec il y a quelques années, acquis une pièce majeure de BGL. Donc tous ces artistes-là circulent. C'est pas qu'on n'en tient pas compte, mais c'est effectivement, c'est pas nécessairement relayé toujours. Or, il y a des carrières qui se font à l'extérieur, et ça c'est un fait. Les centres d'artistes aussi contribuent. L'œil de poisson, une fois de temps en temps, ben, tous les lieux en fait qu'on a nommés tantôt, mais l'œil de poisson récemment avait organisé une vitrine de l'art québécois en France, qui avait encore là eu une présence médiatique intéressante et des retombées, je le crois. Donc ça, c'est clair. C'est sûr qu'on souligne pas assez la réussite de nos artistes ailleurs, mais ça existe. Et si on avait des artistes de Québec à surveiller dans les prochains mois, prochaines années, à peut-être orienter notre regard un peu sur notre carrière, est-ce que vous êtes en mesure de nous en nommer quelques-uns sans... Ben, c'est sûr qu'il y a des carrières qui se dessinent en ce moment, qui semblent intéressantes. Bon, on a nommé Dan Brault tantôt. Chaque exposition qu'il fait, ben, on sent qu'il y a un pas, il avance. Il avance de manière assurée aussi. Ouais, hein, ouais, c'est... ça, c'est bien. Caroline Garnier, en art médiatique, fait du très bon travail. José Landry-Sirois, plutôt en dessin-performance, fait aussi du très bon travail de ce côté-là. Jacinthe Carrier, qui était dans la deuxième édition de la Triennale du Musée d'art contemporain, la Triennale québécoise au Musée d'art contemporain, avec une installation vidéo gigantesque, là, qui était phénoménale. Bon, Julie André-T en performance. Donc, il y a vraiment des gens qui contribuent. Faut parler de Cooksasville aussi, qui sont de Québec et qui récemment ont l'air beaucoup impliqués dans l'art public. Oui, mais vraiment. C'est intéressant parce qu'ils amènent un souffle intéressant à l'art public, oui, je trouve. Oui, on n'en a ça. Pas parlé d'ailleurs de l'art public. Oui, ben, ce sujet en soi, c'est sûr que je vous avoue que je ne sais pas que je suis moins, mais pourtant j'ai travaillé au ministère pour le programme du 1%. Ben ça existe ouais. aussi, qui est un programme, on ne le dit pas assez, qui est primordial dans le sens où non seulement ça amène la présence de l'art dans le public et non pas et dans un public qui va pas nécessairement aller ni dans un musée ni dans les centres d'artistes. Bon, malheureusement, ça existe là, des gens qui y vont pas, vous devriez aussi aller, mais bon, c'est une autre question encore. Mais et donc qui fait en sorte que plus ou moins 1% du budget d'un nouvel édifice subventionné par le gouvernement va à la production d'une œuvre d'art. Et ça, non seulement ça fait ça permet aux artistes de vivre, mais pas juste aux artistes, c'est ça aussi qu'on oublie trop souvent. Moi, je lis des articles qui sont vraiment pas très sympathiques à l'égard du programme du 1%, et pourtant, ils ont tort parce que ça fait vivre aussi des gens qui travaillent dans le métal, des soudeurs, des ingénieurs, etc., etc. Donc, c'est toute une économie qui est brassée là, et ça contribue à la présence de l'art dans la sphère publique, et ça, c'est primordial. Ah oui, c'est vraiment une diffusion de première ligne, là, carrément. Exactement. Parce que c'est l'art dans notre environnement. Voilà, tout à fait, et ça fait en sorte que la présence de l'art vient nourrir ces environnement-là. Et là, on passe à des bibliothèques, c'est une chose, mais aussi des hôpitaux, des casernes de pompiers. Oui. Donc, ça amène la présence de l'art dans ces endroits-là et je pense que ça crée un dialogue et c'est fascinant comment, au final, dans la plupart des cas, ça c'est documenté, on peut le constater aussi, ben, les gens, ils adoptent l'art, ils adoptent leur œuvre. Et ça, le rapport qui se crée là est vraiment à valoriser plus qu'autre chose. Effectivement, parce que ça crée un lien, justement, vous le dites, adopté, donc ça crée un lien affectif, ça peut ouvrir aussi, justement, les esprits vers autre chose, vers des idées ou des projets qui, de prime abord, nous semblent moins évidents à aborder, et que là, oups, finalement, à force de côtoyer, parce que c'est pas une visite dans un musée, une visite dans un centre d'artiste, dans une galerie, donc là, ça métamorphose le regard. C'est ça, puis l'art n'est pas dédié à être uniquement dans les centres d'artistes, dans les galeries, dans les musées, ça fait partie de la vie, d'une part, mais aussi, puis là, ça dépense aussi de loin la question de la décoration. On parle pas du tout de ça. Là, on parle de contribuer à un espace de vie par quelque chose qui va nous sortir un peu notre quotidien, qui va nous amener de nouvelles idées, qui va nous émerveiller, et qui vont nous nous amener ailleurs. Et ça, juste pour ça, ben, je pense qu'il faut absolument donner de la valeur à ça, indépendamment de toutes les autres considérations dont on vient de parler, c'est-à-dire que ça fait vivre du monde. Oui, effectivement. Donc, un écosystème plus large que celui directement des artistes. Absolument, absolument. Bernard Lamarche, peut-être en terminant, parce que l'émission s'achève déjà, ça passe vite, hein? Vraiment. Dernièrement, vous avez fait deux conférences, je pense, à l'automne dernier, en chair et en os. Oui, des conférences sur des œuvres de la collection du musée où vous passiez, je pense, au moins une heure. C'est vraiment sur le principe de une heure, une œuvre. Oui, je vous écoute. Oui, c'est quoi la question? Mais je trouve ça très intéressant parce que c'est, premièrement, bon, c'est montrer des œuvres de la collection du musée parce que c'est le fait d'un musée d'avoir beaucoup plus d'œuvres que ce qui est montré. Mais d'autre part, j'ai senti un intérêt de votre côté à parler des œuvres puis aller vers les gens puis à plonger profondément dans l'univers d'une œuvre, d'un artiste pour les rendre accessibles. Moi, c'est ce qui me fascine, c'est-à-dire de prendre le temps de d'entrer dans une œuvre, d'essayer d'en fouiller les différentes avenues, parce que c'est pas vrai qu'une œuvre a juste un message. D'ailleurs, cette idée qu'une œuvre a on entend souvent la question, c'est quoi le message? Mais il n'y en a pas qu'un seul, il y en a tout plein. Et même, on pourrait questionner la notion même de message. Mais bon, ça aussi, on pourra y revenir. Mais donc, moi, ce que j'aime bien, c'est entrer dans une œuvre, en parler, c'est de comprendre les opérations, comprendre le mécanisme, ce que ça veut dire, ce que ça réussit pas à dire et que ça dit quand même, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas vrai que les artistes contrôlent absolument toutes les dimensions de leur œuvre. Et c'est la beauté de la chose. Là, on est dans l'interprétation du travail. Et puis oui, effectivement, moi, j'ai un plaisir à faire ces conférences-là, c'est-à-dire on se place devant une œuvre, on en parle pendant une heure. Je fais une présentation d'environ 40-45 minutes. Ensuite, il y a des questions et souvent, ça dépasse l'heure. Ça m'est arrivé de rester là quasiment pendant deux heures à répondre aux questions à partir d'une seule œuvre d'art. Je donne aussi toujours l'exemple d'une visite guidée que j'ai faite à l'époque à Rimouski. C'est dans une exposition de la collection du musée autour de la lumière. Qu'elle soit peinte, qu'elle soit réelle, c'est-à-dire il y a des œuvres aussi qui intègrent la lumière, de toutes sortes de mécanismes de ce côté-là. Et puis, je m'étais beaucoup préparé parce que dans l'exposition, il y avait un monochrome noir, une peinture sur aluminium, toute noire, avec certains reliefs, enfin bref, il y avait du mouvement quand même. Et puis, je m'étais, moi, préparé en me disant, ben, s'il y a une résistance, ça va être là. C'est du public dans ma visite guidée. Et donc, j'ai passé 20 minutes que sur cette œuvre-là à en décrire la moindre opération, le moindre détail. Et puis finalement, j'étais assez émerveillé parce qu'au final, les gens m'ont dit « Ah non, il n'y en a pas de problème avec cette œuvre-là, c'est plutôt l'autre à côté qu'on n'est pas sûr de comprendre. » Et donc, c'est la preuve que quand on prend le temps d'entrer dans les choses, et puis ça passe. Oui, c'est sûr que ça aide quand quelqu'un spécialiste comme moi, ça fait 20 ans que je fais ça dans la vie, explique les choses, mais on peut prendre aussi le temps devant une œuvre, d'essayer d'en comprendre les rouages plutôt que de la rejeter, ce qui est un peu facile. Ouais. Et donc, c'est sûr qu'en faisant ça, on va pas entrer dans le voyage de l'œuvre. Et ça, je pense que bon, ça prend un certain investissement parce que c'est pas du tout cru, là, les arts visuels. Ça, c'est clair. Il y a une difficulté un peu de ce côté-là parce que les artistes réfléchissent longtemps avant de poser chacun des gestes qu'ils posent. Et je pense que ça demande aussi un peu de temps pour appréhender, et même à la limite pour rejeter après avoir pris le temps de considérer. Voilà, donc prendre le temps. Sur ces mots, Bernard Lamarche, conservateur de l'art actuel au Musée national des beaux-arts du Québec, merci beaucoup. Bien, merci à vous. Donc, c'est déjà tout pour cette édition spéciale de l'aérospatiale. Gilles Gagné qui a été avec vous. Et je vous invite à rester à l'écoute pour écouter comment vous pouvez encourager votre station dans ce Radioton.